Chapitre 14 À travers bois. Elle a marché toute la nuit dans les ténèbres, que les loups emplissaient de hurlements funèbres, et la ronce méchante a déchiré ses mains. Et seule, à travers bois, sans lune et sans chemin, elle va gémissante et meurtrie et brisée, dans sa robe fragile et blanche d'épousée. Son corps fiévreux grelotte, elle a peur, elle a froid, et s'arrête et gémit, pauvre fille de roi. Jusqu'à ce jour, hélas, depuis qu'elle était née, de parfums, de tiédeurs toujours environnée, elle ignorait l'horreur des nuits sous le ciel noir, et l'angoisse des raies sans gîte et sans espoir. À l'heure où, remuant les branches endormies, rôdent confusément des bêtes ennemies. Elle n'a même plus la force de s'enfuir, et son corps sans courage est prêt de la trahir. Épuisée et dolente, au bord d'une fontaine, elle pleure, elle songe à sa mère lointaine, la reine Blanchefleur qui venait doucement, penchée à son chevet, baiser son front dormant. Elle songe à Margiste et tout bas lui pardonne. Elle a recommandé son âme à la Madone et fait de longs adieux à tout ce qu'elle aimait. Maintenant elle attend la mort et se soumet, quand voici tout à coup dans l'ombre toute proche tinter pieusement l'appel clair d'une cloche.